l'Équateur. En Équateur, j'ai tout fait. Oui, j'ai fait l'Équateur, moi. En long, en large et en traveleur. J'ai fait l'Équateur aux quatre coins, à toute heure. Oui, j'ai fait l'Équateur, moi. En 4x4, en quad et en tracteur. L'Équateur et ses sierras peuplées de Quechua ampulés dans du typique lama. L'Équateur et ses côtes pacifiques que ça, puisqu'ils poussent cactus qui piquent. L'Équateur et ses zones où sommeille Vulcain en personne, tel que n'y puisse vivre quiconque. L'Équateur, son Amazon, amputé de sa touffe multiséculaire, et bientôt de ses eaux vives et si chères, ouais. J'ai fait l'Équateur, moi. Quito, sa capitale, ses quartiers high-tech. Quito, ses discothèques, aux cocktails pisco-tech, aux banquettes crottées, aux disques décotés, aux catins décati, dégotés chez Cathy, voire même chez Tati. Oui, chez Manu. Bref, avec elle, c'est piscine, hôtel. Hôtel, piscine, et pire si hôtel, mais ainsi pistelle. Donc, sperme et cyprine en été comme automne. Avec les autochtones, je relève les chanteurs. Je relève les conteurs et chantonne pour vous. Ça vous étonne? Non, s'en foutez. Eh bien, sachez que pas d'exploit, cette fois dans le sexe à 7 ou à 3, point d'exocète, mais strict slip chaussette aux chiottes et aux toilettes, mes vœux non exaucés, car que faire d'autre que squatter les water exécrément quand t'es sans capote en Équateur? Pas de piment. Donc, j'ai fait l'Équateur comme un porc obscène, mais j'ai fait l'Équateur et ses sports extrêmes. Oui, l'autocar, sur route de montagne hard, conduit par un tocard, un excité du manche, un frustré du falzar, un peu zarbe, fan de gymkhana, canard à la foutre de se prendre un arbre, non, puisqu'il y en a pas, y'a que du vide en bas, y'a que du vide, et le vide, ça fait quoi? Eh bien, ça me fait réfléchir sur son permis de conduire pour une poignée de dollars. Moi, fort de mon euro-compte. Et j'ai honte. J'ai honte de ma condition de gringo. J'ai honte de ma combinaison décathlon. Oui, j'ai honte. Mais à quoi bon? Car tout compte fait, je ne leur dois rien. Rien de plus que ces bananes que je dévore par milliers. Ou que cette autre banane que j'arbore d'un dernier. Non, tu ne leur dois rien. Rien non plus que ce cacao qui t'abreuve chaque matin, et toi, ce café chaud qui te donne cet entrain. Nous ne leur devons rien, rien d'autre que cet or qui part avec des problèmes, des oreilles jusqu'aux dents et même jusqu'au blasphème. L'Occident ne leur doit rien, rien de foutre plus que ces hydrocarbures qui donnent à nos villes impures vive et belle allure. Ah, le pétrole, parlons-en du pétrole. Bien levé pour le pétrole, mais combien à Guayaquil et si peu à Guacamole, toutes deux balayées, évacuées par une vulgaire chasse de bidasses. Mais Combien de révoltes ainsi écrasées? Combien de murs ne pourra-t-on plus crader, souiller? Combien de serrures trop rouillées, verrouillées, qu'on puisse ouvrir avant de faire sauter pour de bon? Et combien d'indigènes, hein? Combien d'indigènes encore traités comme des étrons? Oui, j'ai fait l'équateur, moi. En équateur, j'ai tout fait. J'ai fait l'équateur en long, en large et en traveleur. J'ai fait l'équateur aux quatre coins, à toute heure. J'ai fait l'équateur, mais cette fois-ci, fini. Fini ces photos volées à l'arraché au coin d'une ruelle cachée. Fini aussi cette charité chrétienne très chienne au point d'une cruelle poignée de main évitée ou trop hâtée pour que ne morde le mendiant. Mais la pitié, ma pitié, serait-elle la seule grandeur d'âme de nos petits cœurs face à ces petites gens? Oui, j'ai fait l'équateur. En équateur, j'ai tout fait. Tout, sauf un tout petit rien. La seule chose que je n'ai visitée, c'est le peuple équatorien. See?